De retour à Futur Simple et toujours sur les ondes de CKRL qui sont toujours au 89.1. Nous poursuivons l'émission avec Mélanie Jean qui nous emmène aux côtés de l'île Bonaventure chez les Fous de Bassan. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Alors Mélanie, tu vas nous... Si tu commençais d'ailleurs par nous faire un portrait de cet oiseau, le Fous de Bassan. Ben, tout à fait. Le Fous de Bassan, en fait, c'est le plus gros des oiseaux marins de l'Atlantique Nord. Et il pèse 4 kilos, il mesure 1,80 m d'envergure, donc c'est pas rien. C'est un gros spécimen et c'est un oiseau qui vit en moyenne une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, il tire son nom de l'île de Bass, qui est située en Écosse, d'où le nom de Bassan. Et d'ailleurs, cet endroit-là abrite une colonie qui est particulièrement abondante. Il peut parcourir des dizaines, voire même des centaines de kilomètres pour rapporter du poisson à son seul et unique petit de l'été. Et il repère ses poissons au-dessus de la mer. Il va y piquer dans l'eau à 100 km/h. C'est vraiment très impressionnant à voir. Et ça crée, en fait, quand il plonge, ça crée une onde de choc qui assomme un peu les poissons, puis c'est pour ça qu'il a une facilité de pêcher. Et le fou n'a plus, en fait, qu'à avaler. Et avant même qu'il ait regagné la surface, il va avoir mangé sa prise. Ah oui, okay. Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on les appelait fous, parce que les premiers pêcheurs qui les ont observés, ben, ils voyaient plonger. Ah oui, ils sont fous, ils plongent et ils remontent le bec vide. C'est ça. Ils se sont dit, ben, ils sont fous, ils plongent pour rien. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont déjà mangé une fois qu'ils sont remontés à la surface. Et le fou de Bassan, pour vous informer sur sa reproduction, il peut se reproduire quand même assez tardivement. Ça ne va pas avant l'âge de 5 ou 6 ans. Et les parents vont couvrir l'unique œuf, comme je le disais tout à l'heure, pendant au moins une quarantaine de jours. Et la période de nourrissage peut s'étirer jusqu'à 91 jours. Donc, c'est beaucoup de travail pour les parents. Il existe 6 colonies de fous de Bassan en Amérique du Nord. Donc, il n'y a pas juste l'île Bonaventure. Non. Et elles sont toutes au Canada. Il y en a 3 sur l'île de Terre-Neuve. Il y en a 3 au Québec, soit l'île Bonaventure, l'île d'Anticosti et les îles de la Madeleine. Et la plus importante colonie du monde, ben, c'est celle en Gaspésie, de l'île Bonaventure. On retrouve aussi des colonies dans les îles britanniques, surtout en Écosse. Oui, ben, l'île de Bass, c'est ça. En Islande, en Norvège et même en Bretagne, on va retrouver des colonies. Et ils nichent sur l'île Bonaventure d'avril à juillet. Ils vont se reproduire. Ils vont migrer à la fin de l'automne. Ils vont rejoindre le sud et ils vont se disperser, en fait, le long de la côte est américaine. Et il y en a une partie aussi qui s'en va jusque dans le golfe du Mexique. Puis pour ce qui est du côté européen, ben ils vont migrer là, dans l'ouest de la Méditerranée. Puis un peu, parfois même sur les côtes françaises, on en retrouve. La population de fous de Bassan, pour vous donner une idée, à l'île Bonaventure, est estimée à 48 000 couples, ça c'est 120 000 individus, sauf qu'elle a diminué. Ça fait du monde. Oui, pas mal. Quand on voit là, c'est très bruyant d'ailleurs. Mais elle a diminué de 20 % au cours des 2 dernières années. Puis ça, on croit que c'est une conséquence possible du fameux déversement de pétrole qui a eu lieu en 2010 là, dans le golfe du Mexique. Mais comme on va le voir un peu plus tard, il y a peut-être d'autres raisons aussi qui viennent s'accumuler à ce facteur-là. Et cette année, il y a seulement 5 à 10 % des poussins qui ont survécu par rapport à 60 % en moyenne. Donc, il se passe quelque chose de mystérieux un peu. La population de 2009 était établie à 59 586 couples. Donc là, on voit que ça diminue vraiment à chaque année, puis même depuis avant le déversement de 2010. Et son titre de plus grande colonie au monde, ben là, elle tient presque à un film. Parce que là... en Europe, il y en a beaucoup aussi, puis là, c'est en train de se dépasser. Mais là, on se rend compte aussi que la plupart des autres colonies éprouvent des difficultés. OK, aussi également. J'avais entendu une hypothèse qui avait été avancée pour la colonie des fous de Bassan, comme quoi, en fait, ce serait lié à l'aire d'alimentation qui, elle-même, est modifiée. Mais oui, les biologistes pensent que les adultes, surtout cette année, ont dû aller s'alimenter beaucoup plus loin que d'habitude. Ça les a obligés à quitter leur progéniture. Les fous de Bassan se nourrissent de caplan au printemps, mais la majorité de son alimentation durant l'été, c'est du maquereau. Et selon les rapports de Pêche et Océan Canada, cette dernière espèce est en baisse, puis elle serait même en train de changer d'endroit. Sa répartition dans le golfe du Saint-Laurent, elle commence à changer un peu. Il abandonne le sud du golfe, puis il est plus abondant dans le nord du golfe. Donc ça veut dire que les oiseaux doivent parcourir vraiment une plus grande distance pour se nourrir. Et beaucoup de bébés là qui vont être laissés tout seuls sur l'île Bonaventure, parce que là, normalement, il y a un des deux parents qui va être présent avec qui le poussin, reste au nid, et puis il se relaie pour aller se nourrir et rapporter de la nourriture. Mais là, cette année, les jeunes ont été laissés à eux-mêmes, puis là, il y en a plusieurs qui sont morts de faim. Et pendant que les adultes se dispersaient dans l'estuaire, puis dans le golfe, là, pour essayer de trouver du poisson, la nourriture. Ben là, les nids, ils étaient vides. puis les poussins étaient carrément à l'abandon. Mais ça, c'est assez inhabituel parce que, comme je le disais, là, normalement, il y a toujours un des deux qui reste. Relais, ouais. C'est ça. Donc là, on trouve ça un peu étrange. Il y a de nombreux spécimens aussi qui ont été observés cet été à des endroits vraiment plus éloignés que la normale ou qu'on en observe peu normalement dans ces endroits-là, comme à Tadoussac. C'est assez rare qu'on en voit. Et en Basse-Côte-Nord aussi. C'est très rare de voir des fous de bassin dans la région de Blanc-Sablon. Puis, on en a vu plusieurs à cet endroit-là depuis 2 ans. Mm-hmm. Il y a même plusieurs carcasses de fous de bassin là, qui ont été retrouvées sur les plages de la Côte-Nord. Puis ça, c'est un phénomène là, qui préoccupe pas mal les biologistes d'environnement Canada parce que c'est très inhabituel. Ouais. Donc là, ils vont finalement assez loin de chez eux. Là, pour vraiment? Chercher, oui, oui. Ouais. Et ce déplacement de nourriture n'est peut-être pas la seule cause de diminution des fous de bassin? En effet, parce qu'il y a aussi la température de l'eau de surface dans le secteur de l'île Bonaventure qui aurait augmenté de 3 à 4 degrés. Et ça, c'est seulement au cours de cet été. Parce qu'on sait qu'il a fait très chaud, là, mais ça l'a influencé aussi sur la température de l'eau. Et ça, c'est une augmentation de 3 à 4 degrés, c'est considérable. Et ça a vraiment des impacts sur toute la faune qui va vivre peut-être là. Peut-être que c'est ça qui explique le déplacement des caplans et tout ça. Ça serait pas impossible. Et là, il y a certaines espèces de poissons qui vivent à des profondeurs qui sont maintenant inatteignables pour l'oiseau. Là, tu sais, vu que c'était plus chaud en surface, ils ont descendu plus profondément. Puis là, quand ils plongent pour se nourrir, eux, ils vont pas au-delà de 20 mètres. Donc, les fous de bassin? C'est ça. Donc, si les poissons ont descendu plus bas, ils en pêchent beaucoup moins. Et là, si les poissons restent plus profonds pour rester en eau plus froide, là, les oiseaux, ils pêchent plus rien, puis ils peuvent plus rien ramener à leur progéniture. Donc, on a observé que les oiseaux marins sont vraiment très synchronisés avec la ressource alimentaire pour la reproduction. Le seul problème, c'est qu'ils peuvent pas s'adapter très rapidement à ces changements-là. Donc, si les bancs de poissons ont carrément changé d'endroit, là, ça va peut-être prendre plusieurs années à s'adapter à ça. Donc, la situation est quand même inquiétante et il semblerait qu'il survienne une mortalité aussi chez les poissons et les autres mammifères marins. Donc, c'est tout lié, c'est tout l'écosystème. Oui. Exactement, parce que là, on a remarqué des mortalités inhabituelles cette année dans les populations de macareux et de guillemots dans le golfe du Saint-Laurent. Donc là, on est en train de se dire que c'est peut-être le signe qu'il se passe quelque chose de majeur dans l'écosystème marin du golfe Saint-Laurent présentement. Mais donc, pour en revenir aussi au déversement de pétrole qui a lieu en 2010 dans le golfe du Mexique, comment ça se raccroche à ce déclin de la population des fous de bassin? Mais on se souviendra justement de cette fameuse catastrophe qui est survenue en avril 2010. Là. D'ailleurs, c'était le sujet de ma première chronique à cette époque-là. Ça te rappelle des souvenirs? Mais oui, des souvenirs peut-être moins intéressants pour ceux qui étaient là-bas, parce que c'est une catastrophe qui est non seulement pour les écosystèmes locaux, mais ça a eu aussi des impacts sur les nombreux oiseaux migrateurs qui vont séjourner une bonne partie de l'année dans le golfe du Mexique. Et là, il y a pas moins de... Juste pour vous rappeler, là, il y a eu pas moins de 500 millions de litres d'hydrocarbures qui ont été déversés pendant 3 mois. Ça, c'est l'équivalent de 3 milliards de barils de pétrole. C'est pas rien. Et là, le quart des 470 000 fous de bassin qui nichent dans l'est du Canada, c'est pas rien, ils migrent dans cette zone-là. Les autres s'installent encore plus au sud. Mais là, ce qui arrive, c'est que les jeunes qui sont âgés de quelques mois, ils ont suivi les parents de l'île Bonaventure ou des autres colonies vers le sud. Et c'est ceux-là qui sont les plus menacés parce qu'eux, ils vont rester plusieurs années dans le golfe du Mexique. Ils vont pas revenir au Québec à chaque année. Ils reviendront pas en Gaspésie avant au moins 2 ou 3 ans. Et là, en 2012, il y a plusieurs fous de bassin qui est mazouté, là, qui ont été retrouvés en Louisiane, au Mississippi, au Texas, en Floride, même en Alabama. La plupart de ceux-là, c'était des juvéniles. Puis ça veut dire qu'ils restent longtemps exposés à la contamination. Ça. Parce que les adultes ont quitté la zone contaminée pour aller, se reproduire dans c'est le nord, mais les jeunes, chaque année. Ils y restent. C'est ça. Ouais. Et depuis l'explosion de la plateforme de forage de BP en avril 2010, le Service canadien de la faune, il fait un inventaire annuel plutôt qu'à tous les 5 ans. Fait que c'est très préoccupant pour eux aussi. Et le fou de bassin, en fait, c'est un bon indicateur de la contamination parce qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire, parce qu'il mange une très grande quantité de poissons. Et le déversement de BP constitue un des facteurs environnementaux là, pouvant expliquer en bonne partie, en tout cas, le déclin, selon plusieurs chercheurs, là, de cet oiseau-là à l'île Bonaventure. Et il faudrait attendre, par contre, peut-être 1 ou 2 là, avant de voir les réels effets là, sur les juvéniles là, qui sont nés dernièrement. Là, parce qu'ils vont revenir en Gaspésie là, peut-être à l'âge de 3 ou 4 ans, donc l'année prochaine ou l'autre année. C'est ça, finalement, il est presque trop tôt. C'est ça. On est tout juste en train peut-être de voir les effets. On ne peut pas tirer des conclusions maintenant parce qu'il est un peu trop tôt dans les analyses. Donc, pour vous donner une idée, là, la population de fous de bassin Elle avait augmenté continuellement entre 1974 et 2009. Mm-hmm. Elle a passé de 16 400 couples à près de 60 000. C'était une explosion démographique, ouais, on peut dire. Ouais. Il y a eu un baby boom, là, je pense aussi. Et le déclin des colonies, là, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été amorcé là, avant 2010. Ouais. Non, à peu près 2008-2009, ça a commencé à décliner. Là. Mm-hmm. Mais on ne trouvera pas d'explication avant les années à venir. Mm-hmm. En moyenne... Oui, okay. Et, ben, c'est ça, c'est qu'au-delà, parce que bon, tu parlais au début bon, de la visite à l'île Bonaventure, que bon, ça fait du bruit, c'est assez impressionnant. Donc, oui. Il y a aussi des conséquences sur l'économie locale en même temps. Si, ben, oui. C'est pas juste une conséquence sur la biodiversité, c'est que ça va avoir des conséquences sur l'économie touristique. Oui, exactement, parce qu'en moyenne, c'est 100 000 personnes qui vont prendre un bateau d'excursion à chaque année pour se rendre à l'île Bonaventure. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même cet été. Ouais. Puis, il y a environ 60 000 visiteurs qui vont débarquer sur l'île. Donc, c'est une industrie touristique très importante. Ouais. Et le spectacle est d'ailleurs très impressionnant. Si vous êtes jamais allé, là, c'est un must. C'est très impressionnant. C'est un must. Il faut aller là. Bien, ouais, c'est visuel, sonore, olfactif. Très olfactif, oui. Et ce serait vraiment dommage que ces magnifiques oiseaux-là disparaissent, là, parce que c'est tellement beau à voir. Là. Et ça serait non seulement, comme tu l'as dit, une perte pour la biodiversité, mais ça serait un dur coup à l'industrie touristique en Gaspésie, mm-hmm. parce que c'est une économie importante là-bas. Donc, ben, si vous voulez en savoir plus en détail sur les fous de bassin, mm-hmm. ben, je vous invite à consulter mon blog www.maplanetebleue.com. J'ai mis plein de détails là-dessus. Donc, les des détails graphiques, y sont, c'est ça. Donc, si on veut, c'est ça. Donc, tous les détails y sont. Puis, si on veut relire pour mieux revoir, on va sur ton blog maplanetebleue.com. Ben, merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir présenté les différentes hypothèses reliées au déclin des fous de bassin. Ça permet de voir que finalement, la complicité du fonctionnement des écosystèmes, donc il y a peut-être plusieurs causes, on ne le sait pas. Il y a plusieurs choses qui se passe, et il y a des causes multiples. C'est bien de ne pas présenter juste une seule hypothèse, mais de présenter l'ensemble. Donc maintenant, on va faire une petite pause musicale sur CKRL. Vous êtes toujours au 89.1 et au retour, on vous parle d'OGM.